إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، on continue ce soir la lecture et l'étude du livre de l'unicité, Kitab al-Tawhid, de l'imam Muhammad ibn Sulayman al-Tamimi rahimahullah ta'ala. Nous en sommes aujourd'hui au 10e chapitre dans lequel l'auteur rahimahullah ta'ala va nous parler de ce qui est rapporté concernant le sacrifice pour autre qu'Allah. Ce qui est visé par le sacrifice, donc, c'est l'immolation, qui consiste à égorger une bête d'une manière précise, comme cela est venu dans les textes. Et l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous parle ici du sacrifice dans le cas où il est fait pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous observez ici qu'il n'a pas posé de jugement sur cet acte. Il n'a pas précisé dans le titre si cela relève du polythéisme ou non. Et ce car en réalité, le sacrifice pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala se divise en deux catégories. La première catégorie est le sacrifice pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans le but de glorifier et vénérer celui pour qui on sacrifie, comme ceux qui sacrifient pour les djinns, ceux qui sacrifient pour les morts, et autres parmi les formes de sacrifice pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui relèvent du polythéisme majeur, shirk akbar, dont l'auteur sort de la religion de l'islam. La deuxième catégorie de sacrifice pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire dont la motivation n'est pas, dans un premier lieu, de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le sacrifice qui est fait dans les moments de joie ou alors dans le but d'honorer une personne. Et ceci ne relève pas du polythéisme et son auteur ne sort pas de la religion. Car ceci fait partie des habitudes et des choses usuelles. Et la base est qu'elles sont permises. Et je vais donner un exemple afin de clarifier cela. Si par exemple une personne reçoit un hôte qu'il souhaite honorer, il va alors l'honorer par exemple en sacrifiant un mouton pour lui, et ce, afin qu'il mange de cette viande. Et ceci est une chose permise, et il n'y a pas de gêne en cela. Au contraire, ceci est même quelque chose de légiféré, et pour laquelle la personne peut être récompensée si elle a une bonne intention. Car ceci rentre dans la généralité de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il honore son hôte. » Et l'auteur, rahimahullah ta'ala, il vise par les textes qu'il va nous rapporter dans ce chapitre la première catégorie, c'est-à-dire ceux qui sacrifient pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans le but de se rapprocher de ce pourquoi ils sacrifient, de se rapprocher des djinns, de se rapprocher des morts, et ainsi de suite. Mais il n'a pas stipulé clairement son jugement ici afin d'éviter toute confusion. Et comme on l'a mentionné dans un chapitre précédent, ceci nous montre la grande science de l'auteur rahimahullah ta'ala et sa précision dans les termes qu'il emploie. Et ceci nous encourage à prendre garde à ne pas se précipiter dans le fait de poser des jugements sur les choses. Parfois il se peut qu'une chose te paraisse être une chose interdite, alors qu'en réalité certains éléments font que cette chose est permise. Et inversement, il se peut que tu penses qu'une chose soit permise, alors qu'en réalité certains éléments rendent cette chose interdite. C'est pour cela qu'il ne faut pas se précipiter dans le fait de prononcer des jugements sur les choses et ne pas parler sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala sans science. Si tu sais une chose avec certitude, alors il n'y a pas de gêne, mais si tu ne sais pas, tu te tais et tu interroges les gens de science. L'auteur rahimahullah ta'ala va donc nous mentionner ici deux versets du Coran et deux hadiths du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam afin de nous démontrer le jugement du sacrifice pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Le premier verset qu'il a mentionné est le verset 162 de Surat al-An'am, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتْ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. » Dis, ma prière, mes rites, ma vie et ma mort sont à Allah, Seigneur de l'univers. À lui nul associé, et c'est cela qui m'a été ordonné, et je suis le premier des musulmans, le premier à me soumettre. Allah subhanahu wa ta'ala ordonne donc ici à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de dire aux gens cette parole, que sa prière, ses rites, sa vie et sa mort sont à Allah, Seigneur de l'univers. En ce qui concerne la prière, cela englobe la prière de manière générale, que ce soit les prières obligatoires ou les prières surérogatoires. Toutes doivent être vouées à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et la prière, elle fait partie des adorations les plus nobles. Et ce car elle comprend en elle différentes sortes d'adorations. Des adorations du cœur, des adorations de la langue et des adorations avec les membres du corps. En effet, si tu médites sur la prière, tu te rends compte qu'elle englobe nombre d'adorations du cœur, comme par exemple le khushu', l'humilité, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, la peur et l'espoir. Tu pries par espoir de la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, par peur de son châtiment. Et tout ceci sont des adorations du cœur. Également, elle comprend des adorations de la langue, comme le takbir, lorsque tu dis Allahu Akbar pour commencer ta prière, lorsque tu loues Allah, que tu le purifies dans tes inclinations, tes prosternations, lorsque tu l'invoques, et également la récitation du Coran lors de la station debout. Elle comprend également un certain nombre d'actes du corps, la station debout, l'inclination, la prosternation, l'assise, et ainsi de suite. Donc tout ceci nous démontre que la prière, c'est une adoration immense qui réunit en elle ce qui n'est pas réuni dans d'autres adorations. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala en a fait le pilier de l'islam, le pilier le plus important après les deux attestations de foi. Allah subhanahu wa ta'ala ordonne donc à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire que cette prière, elle est pour Allah, Seigneur de l'univers, à lui nul associé. Ensuite, il lui dit, et mes rites. Ce qui est visé par les rites ici, ce sont les bêtes qui sont égorgées dans le but de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Entre dans cela l'offrande lors du pèlerinage, également le sacrifice lors du Eid, ou alors l'aqiqa, suite à la naissance d'un enfant. Tout ceci rentre dans la généralité du mot nousuk, en arabe, qui est mentionné dans le verset. Allah subhanahu wa ta'ala ordonne donc à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire que son sacrifice, tout comme sa prière, est pour Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur de l'univers. Et ce car au temps de la jahiliya, avant l'islam, le sacrifice faisait partie des actes qui étaient pratiqués. En effet, les polythéistes, ils sacrifiaient pour leurs statues, ils sacrifiaient pour les djinns, ils sacrifiaient pour les astres, et ainsi de suite parmi les sacrifices qu'ils vouaient à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a donc ordonné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de les informer que sa religion, elle s'oppose à la religion. Elle s'oppose à la religion des polythéistes. Les polythéistes, eux, ils sacrifient pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Tandis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ceux qui le suivent parmi les musulmans, ils ne sacrifient que pour Allah subhanahu wa ta'ala seul sans associé. De la même manière que ta prière, tu ne l'accomplis que pour Allah subhanahu wa ta'ala, ton sacrifice, tu ne dois le faire que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vois que dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il a joint le sacrifice à quoi? À la prière. Ceci te montre que le sacrifice est également une adoration immense et très importante, qui ne doit être vouée qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et malheureusement, beaucoup de gens ne sont pas conscients de l'importance de cet acte. Et nombre de personnes sont négligents à ce sujet au point de sacrifier pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils vont par exemple sacrifier pour les djinns. Ils vont par exemple sacrifier pour les morts. Ils vont par exemple sacrifier pour les sorciers ou autres parmi les charlatans. Et tout ceci relève du polythéisme majeur dont l'auteur sort de la religion de l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala ordonne à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire ma prière, mes rites, c'est-à-dire mon sacrifice. Ma vie et ma mort sont pour Allah, Seigneur de l'univers. Ma vie, c'est-à-dire toutes les œuvres que j'accomplis durant ma vie, je les voue seulement à Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur de l'univers. Toutes mes adorations que j'accomplis durant cette vie, elles sont réservées à mon Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et ma mort, elle est également pour Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur de l'univers. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que je vis en vouant mon culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala et je meurs sur cela. Je vis sur le tawhid et je meurs sur le tawhid. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire mourir sur le tawhid, en vouant un culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala et nous préserver de toute forme de polythéisme, majeur ou mineur. On voit donc dans ce verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné ces deux adorations, la prière et le sacrifice, qui font partie des adorations les plus immenses. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit « La sharika lah » à lui, nul associé. C'est-à-dire que ma prière, mon sacrifice, ma vie et ma mort, ils sont pour Allah, Seigneur de l'univers. Et il insiste sur cela en disant « La sharika lah » Il n'a pas d'associé. Je voue ces actes exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. « Wabidhalika umirt » Et c'est cela qui m'a été ordonné. C'est-à-dire mon Seigneur m'a ordonné cela. Et ceci nous prouve quoi? Ceci nous prouve que les adorations, il n'est permis de les accomplir que sous ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné, alors ceci est légiféré. Et ce sur quoi il n'y a ni l'ordre d'Allah, ni l'ordre de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors ceci n'est pas légiféré en termes d'adoration. Comme on l'a mentionné dans des cours précédents, les adorations elles sont tawqifiyah, c'est-à-dire qu'elles sont limitées au texte. Avant de faire une adoration, je dois m'assurer qu'elle est bien légitime. Qu'est-ce qui prouve la légitimité de cet acte dans le Coran ou la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? S'il y a une preuve, alors cet acte est légitime. S'il n'y a pas de preuve, alors je dois le délaisser, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque accomplit une œuvre que nous n'avons pas ordonnée, alors son œuvre est rejetée. » Ensuite il dit « Wa ana awwalul muslimin » et je suis le premier des muslimines, le premier à me soumettre. C'est-à-dire que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fut le premier à se soumettre parmi cette communauté. Donc ici, le fait qu'il soit le premier, ceci est relatif. Car en réalité, les prophètes et les messagers, ainsi que les croyants qui les ont suivis, avant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient tous muslimoun. Ils étaient tous soumis à Allah subhanahu wa ta'ala dans le sens qu'ils vouaient leurs adorations exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Car l'islam, c'est quoi? Si vous vous souvenez, on a vu dans les trois fondements la définition de l'islam, dans son sens général. Et l'islam, c'est la soumission à Allah en lui vouant un culte exclusif, la soumission à lui en lui obéissant, et le désaveu du polythéisme et de ses adeptes. Ceci est l'islam dans son sens général. Et ceci est la religion de l'ensemble des prophètes et des messagers, alayhim salatu wa salam. Donc lorsque Allah subhanahu wa ta'ala ordonne à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de dire qu'il est le premier des muslimines, c'est-à-dire le premier des muslimines de sa communauté. Et ce verset, il nous prouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'empressait de se soumettre aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il était le premier à se soumettre. Et il est obligatoire pour le musulman de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam en cela. Lorsque tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné une chose, empresse-toi de l'accomplir. Ne retarde pas cette chose. Ne dis pas « je le ferai demain ». Plus tard, j'accomplirai cette œuvre. Plus tard, je jeûnerai. Plus tard, je donnerai ma zakat. Et ainsi de suite. Mais empresse-toi de te soumettre. Dès que te parvient un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala ou un ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, empresse-toi de l'accomplir. Comme le disaient certains parmi les compagnons radiyallahu ta'ala anhum, lorsque tu entends dans le Coran « Ya ayyuhalladina amanu » « Oh vous qui croyez !» Alors tends l'oreille, sois attentif. Car c'est soit une chose qui va être ordonnée, afin que tu l'accomplisses, soit une chose qui va être interdite, afin que tu la délaisses. Et à l'écoute de cela, le musulman, il se doit de s'empresser à se soumettre en accomplissant ses ordres et en délaissant ses interdits. On voit donc à travers ce verset que le sacrifice est une adoration immense qui, au même titre que la prière, ne doit être vouée qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le cheikh rahimahullah ta'ala a mentionné le deuxième verset de surat al-Kawthar, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Fasalli li rabbika wanhar » et accomplis la prière pour ton Seigneur et sacrifie. Ceci est donc un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il lui ordonne d'accomplir la prière en lui vouant exclusivement et également de sacrifier en lui vouant exclusivement ce sacrifice. Et les gens de science ont mentionné qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné cela à son prophète sallallahu alayhi wa sallam en guise de reconnaissance, car il lui a accordé Al-Kawthar. Al-Kawthar, qui est un fleuve au paradis, qui a été accordé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a été dit qu'Al-Kawthar, cela désigne également le bien abondant. Et le bien abondant a été accordé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala lui annonce donc qu'il lui a accordé Al-Kawthar, le bien abondant, le fleuve au paradis. Puis il lui ordonne, en guise de reconnaissance, de vouer exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala sa prière et son sacrifice. On voit qu'à nouveau, il a réuni entre ces deux adorations immenses qui sont la prière et le sacrifice. Et ceci nous indique une fois de plus qu'au même titre que la prière, le sacrifice ne doit être voué qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. De la même manière qu'il t'est interdit de te prosterner pour autre qu'Allah, il t'est interdit d'égorger une bête pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Car celui qui se prosterne pour autre qu'Allah, celui-ci a commis du polythéisme majeur, qui le fait sortir de la religion de l'islam. Et de la même manière, celui qui sacrifie pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait du polythéisme majeur qui le fait sortir de la religion de l'islam. On voit donc que dans ces deux versets que l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionné, le verset de Surat al-An'am et le verset de Surat al-Kawthar, Allah subhanahu wa ta'ala a joint ces deux adorations. Et ceci nous montre que le sacrifice est une adoration, et comme c'est une adoration, il est interdit de la vouer à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le shaykh rahimahullah ta'ala a mentionné deux hadiths. Le premier est rapporté par Ali, radiyallahu ta'ala anhu, c'est-à-dire Ali ibn Abi Talib. Il nous dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a rapporté quatre paroles. Allah maudit celui qui sacrifie pour autre qu'Allah. Allah maudit celui qui maudit ses parents. Allah maudit celui qui protège un criminel. Allah maudit celui qui change les limites des terres. Et ce hadith est rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala. On voit donc dans ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous mentionne que la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala est sur quatre types de personnes. Et la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle signifie que la personne est exclue et éloignée de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Celui qui est maudit, cela veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'exclut, l'éloigne, le prive de sa miséricorde. Ceci est donc une menace sévère. Et la première chose qu'il a mentionnée dans ce hadith, qui est la plus grave, c'est le fait de sacrifier pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire pour les statues, pour les mausolées, pour les morts, pour les djinns, et autres parmi les choses qui sont prises comme divinités en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toute personne qui se rapproche d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala en accomplissant un sacrifice, alors Allah subhanahu wa ta'ala le maudit. Il le prive et l'exclut de sa miséricorde. Et ceci nous prouve la gravité de ce péché. Et ce, quelle que soit la chose qui est sacrifiée, et quelle que soit la chose pourquoi elle est sacrifiée. Que ce soit pour une tombe, pour une statue, pour un arbre, pour une pierre, pour les astres, pour un mausolée ou autre chose que cela, le jugement est le même. Celui qui sacrifie pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, alors il est maudit. Et les gens de science ont mentionné que ceci englobe deux choses. La première est que la personne sacrifie en mentionnant le nom d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'il fait son sacrifice, et au moment de sacrifier, au lieu de dire Bismillah, il dit par exemple, au nom du Messie, au nom de tel sorcier, au nom de tel saint, au nom de tel wali. Ceci relève du polythéisme. Et la deuxième chose, c'est qu'il sacrifie en mentionnant le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais dans son cœur, dans son intention, il fait cela pour se rapprocher d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala par ce sacrifice. Par exemple, il a pour intention, de par ce sacrifice, de se protéger du mal de celui pour qui il sacrifie, comme ceux qui sacrifient pour les djinns par exemple, afin de se protéger de leur mal, comme par exemple lorsqu'ils entrent dans une nouvelle maison, ils sacrifient pour les djinns sur le pas de la porte. Pourquoi ? Afin de se préserver du mal des djinns. Et ceci relève du polythéisme majeur dont l'auteur sort de la religion de l'islam. Également, certaines personnes font des sacrifices devant les mausolées. Pourquoi ? En espérant que ce mort réponde ainsi à leurs invocations. Donc ils attendent par ce sacrifice obtenir un bien. Donc même s'ils mentionnent le nom d'Allah, qu'ils disent Bismillah au moment où ils sacrifient. Étant donné qu'il a cette intention dans son cœur, ce sacrifice est voué à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est donc du polythéisme majeur. Et celui qui fait cela, il sort de la religion de l'islam. Et il est maudit, comme le démontre ce hadith. Qu'il l'ait prononcé, c'est-à-dire qu'il ait fait ce sacrifice au nom d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, au nom du mort, au nom du mausolée, au nom du saint ou du wali intel, et ainsi de suite. Ou alors qu'il ait simplement eu cette intention dans son cœur. Et la bête qui est sacrifiée, elle est interdite, illicite à la consommation. car elle rentre dans la généralité de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, wama uhilla bihi li ghayrillah. Donc ce verset englobe ce qui est sacrifié au nom d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, mais également ce qui est sacrifié au nom d'Allah, mais dont l'intention est de se rapprocher d'autre qu'Allah, comme de se rapprocher des djinns, comme de se rapprocher des morts, comme de se rapprocher des sorciers, des charlatans, ou autres parmi les choses qui sont adorées en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est beaucoup ordonné par les sorciers et les charlatans. Lorsque viennent à eux certaines personnes, par exemple, qui sont malades, ils leur ordonnent d'aller sacrifier pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala afin d'obtenir la guérison. Par exemple, il lui dit, va au bord de la mer, sacrifie une poule et jette-la à la mer. Ceci m'a été mentionné par certains frères que cela est fait dans certains pays. Ceci relève du polythéisme majeur. Même si la personne, elle dit Bismillah au moment du sacrifice, son intention n'est pas du tout de se rapprocher d'Allah. Son intention est de se rapprocher des djinns, ou alors, si cela est fait devant un mausolée, de se rapprocher des morts, et ainsi de suite. Donc tout ceci fait partie du polythéisme majeur. Certaines personnes, ils sacrifient pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme on l'a mentionné, dans le but de se rapprocher, ou d'obtenir un bienfait, ou de se préserver d'un mal. Et ceci est interdit à l'unanimité des musulmans. Cela relève du polythéisme. D'autres, ils vont sacrifier au nom d'autre qu'Allah. Et ceci également relève du polythéisme. Également, il y a des personnes, qu'est-ce qu'elles font? Ils sacrifient lorsqu'ils entrent dans une nouvelle maison, comme on a dit, par peur des djinns. Et ceci relève du polythéisme. Quoi qu'il en soit, les deux versets que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionnés. Et ce hadith dans lequel le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Allah maudit celui qui sacrifie pour autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala », il englobe toutes ces choses. Que le sacrifice soit fait afin de se rapprocher des morts ou des djinns, que le sacrifice soit fait au nom d'autre qu'Allah, que le sacrifice soit fait par vénération envers une créature, que le sacrifice soit fait lorsque l'on entre dans une nouvelle maison afin de se préserver du mal des djinns, tout ceci entre dans le sacrifice pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui relève du polythéisme majeur et dont l'auteur sort de la religion de l'islam. Entre dans cela également ce que font certaines personnes dans certains pays au moment de sécheresse, lorsqu'il n'y a pas de pluie durant une longue période. Ils se réunissent dans un endroit, ou auprès d'une tombe ou autre, et sacrifient par exemple un taureau ou autre parmi les bêtes. Et ceci également relève du polythéisme. Et il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala les éprouve en faisant tomber la pluie après cela. Mais ceci ne prouve pas que leur acte est légitime et légiféré. Au contraire, ceci est une épreuve de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith, Allah maudit celui qui maudit ses parents. On a vu dans un cours précédent qu'Allah subhanahu wa ta'ala a joint le droit des parents à son droit, et ce dans de nombreux versets, comme lorsqu'il dit وَعْبُدُ اللَّهِ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Adorez Allah et ne lui donnez aucun associé, et soyez bienfaisants envers les parents. Donc le droit des parents, il vient dans de nombreux textes immédiatement après le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et également, l'interdiction de la malfaisance envers les parents, elle vient dans de nombreux textes, après l'interdiction de la malfaisance vis-à-vis du droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez dans ce hadith. Le sacrifice pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, cela est une transgression vis-à-vis du droit d'Allah. Et après cela, qu'est-ce qu'il a mentionné? La transgression du droit des parents. La malfaisance envers eux en les maudissant. Et ceci est un grave péché. Il est donc interdit pour le musulman de maudire ou d'injurier ses parents, car ceci fait partie des grands péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe ici qu'Allah maudit celui qui le fait. Et lorsque l'auteur d'un acte est maudit, ceci est une preuve que cet acte fait partie des grands péchés. Et l'interdiction de maudire ses parents, elle signifie deux choses. L'interdiction de les maudire ou de les injurier directement, il n'y a pas de doute que ceci est un grave péché, mais également l'interdiction d'être la cause de leur malédiction, ou d'être la cause pour qu'ils se fassent injurier. Et médite sur cela, car c'est un point très important, qui échappe à beaucoup de personnes. Il y a des gens qu'Allah subhanahu wa ta'ala les guide et nous en préserve, qui vont maudire et injurier leurs parents directement. Donc cela, ils entrent sous la malédiction. Et il y en a d'autres qui vont être la cause pour que leurs parents se fassent maudire ou injurier. Et ce, en injuriant ou en maudissant les parents d'une autre personne. Et cette personne, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va alors injurier et maudire les parents du premier. Il aura donc été la cause pour que ses parents se fassent maudire et injurier. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith authentique rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim rahimahum Allah ta'ala, il fait partie des grands péchés que l'homme injurie ses parents. Compagnons radiyallahu ta'ala anhum, ils se sont étonnés. Ô messager d'Allah, comment l'homme peut-il injurier ses parents? C'est une chose très grave. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il injurie le père d'un homme, alors ce dernier injurie son père. Il injurie la mère d'un homme, alors ce dernier injurie sa mère. Il a donc été la cause pour que ses parents se fassent injurier. Et ceci fait partie des grands péchés. Et il est interdit pour le musulman d'être vulgaire, d'être malpoli, de prononcer des insultes, de prononcer des malédictions. Mais le musulman, il se doit de préserver sa langue de cela, et de ne prononcer que des belles paroles avec sa langue. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, « وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا » et dites aux gens des belles paroles. Le musulman doit donc préserver sa langue de la malédiction et de l'injure de quiconque parmi les gens. Et de la même manière, tu ne dois pas maudire ou insulter les objets, les montures ou autres, car ceci n'est pas permis. Il y a des gens, lorsque leur voiture est en panne, par exemple, ils vont l'injurier. Ceci n'est pas permis. De la même manière, il est interdit d'injurier une année ou d'injurier une maladie. Tout ceci est interdit pour le musulman. Mais il doit préserver sa langue et ne prononcer avec celle-ci que des belles paroles. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah a maudit celui qui protège, donc on a traduit un criminel. » En arabe, c'est le mot « muhdith ». Et dans une autre version, dans une autre narration, il a été rapporté « muhdath ». Et on va donner l'explication de ce terme. Donc, « al-muhdith », que l'on pourrait traduire par le criminel, c'est celui qui commet un crime, un péché, qui mérite une peine légale. Comme le voleur, par exemple, le meurtrier, celui qui consomme de l'alcool, le diffamateur, le fornicateur, et ainsi de suite. Donc celui-ci, c'est un muhdith. Il a commis un péché pour lequel il mérite une peine légale. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, il nous informe qu'Allah maudit celui qui le protège. Et qu'est-ce que cela signifie, le protéger? C'est-à-dire qu'il le met à l'abri afin qu'il ne subisse pas cette peine légale. Par exemple, il va essayer d'intercéder en sa faveur. Celui-ci s'est fait juger, condamné pour un grand péché, d'une peine légale, des coups de fouet, la peine capitale, ou autre parmi les peines légales en islam. Alors il va venir essayer d'intercéder en sa faveur, afin qu'il ne subisse pas cette peine. Ou alors, de par sa force ou son autorité, il va essayer d'empêcher que la peine légale, elle soit accomplie sur lui. Et tout ceci entre dans l'interdiction qui est visée dans ce hadith. Allah maudit celui qui protège un muhdith, un criminel, et qui essaye d'empêcher que la peine légale soit accomplie sur lui. Et comme on a dit dans d'autres narrations du hadith, le mot il est venu avec une fatha sur le dal. Muhdath. Qu'Allah maudit celui qui protège, muhdathan. Et le muhdath qui est visé par cela, c'est le bid'a. C'est l'innovation. Qu'Allah maudit, soit Allah maudit, celui qui protège l'innovation. Et les gens de science ont dit, c'est-à-dire celui qui agrée l'innovation. Celui qui agrée l'innovation et qu'il ne la condamne pas. Il ne la blâme pas, alors qu'il en a les capacités. Alors c'est comme s'il avait protégé cette innovation. Comme ceux qui voient les innovations devant eux, et qui se taisent, et qui ne les condamnent pas. Ils ne préviennent pas les gens, et ne les avertissent pas que ceux-ci sont des innovations et qu'elles sont interdites. Mais ils se taisent et les délaissent. Alors celui-ci, il entre dans la malédiction d'après ce hadith. Son silence vaut guise d'agrément et d'acceptation, s'il a les capacités de condamner cette innovation. Alors que dire de ceux qui directement appellent aux innovations, ou protègent et défendent les innovations et les innovateurs, wal'iyadu billah. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah maudit celui qui change les limites de la terre. C'est-à-dire, celui par exemple qui possède une parcelle de terrain qui est délimitée et qui va retirer ses délimitations ou alors les écarter en agrandissant son terrain et en prenant ainsi du terrain d'autrui. Alors celui-ci, il est maudit. Il est privé de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et beaucoup de gens sont négligents à ce sujet. Il a un terrain qui fait par exemple 10 mètres sur 10 mètres. Il va alors élargir les délimitations de son terrain de quelques mètres de part et d'autre. Il pense que ceci n'est pas grave, qu'il n'y a pas de gêne. Or, comme on le voit dans ce hadith, Allah subhanahu wa ta'ala maudit celui qui change les limites de la terre, qui agrandit les limites de son terrain, qui diminue les limites du terrain d'autrui. Et dans un autre hadith, rapporté par Al-Bukhari et Muslim rahimahum Allah ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui usurpe un empan de terre, juste un empan, ne parle pas de plusieurs mètres carrés ou autre, un empan, c'est-à-dire la distance qui sépare le pouce de l'auriculaire. Celui qui usurpe un empan de terre injustement portera autour de son cou au jour de la résurrection l'étendue de cet empan tiré sur cette terre. Ceci est donc une menace sévère de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam contre les auteurs de ce péché. Ce qu'il faut retenir ici de ce hadith, et ce pourquoi l'auteur rahimahullah ta'ala l'a mentionné, c'est l'interdiction de sacrifier pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah subhanahu wa ta'ala maudit celui qui sacrifie pour autre que lui, et on voit également la gravité de ce péché, qui est le plus grave, qui a été mentionné ici, car c'est par celui-ci que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé. Enfin, l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionné un second hadith, qui est un hadith très surprenant et qui contient de nombreuses leçons. Il a dit, rahimahullah, d'après Tariq ibn Shihab, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: un homme est entré au paradis en raison d'une mouche, et un autre homme est entré en enfer en raison d'une mouche. Les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, bien sûr, ils ont été étonnés de cela. Ils ont donc dit: comment cela est-il possible au messager d'Allah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a ensuite raconté. Et il dit: deux hommes sont passés auprès d'un peuple qui avait une statue, c'est-à-dire une statue qu'ils adoraient, en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils ne laissaient personne passer jusqu'à ce qu'ils présentent une chose en offrande pour cette statue, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'ils fassent un sacrifice à titre de glorification et de vénération pour leur statue qu'ils adoraient. Alors lorsque ces deux hommes sont passés, ils ont dit au premier: fais une offrande. Il répondit alors: je n'ai rien donné en offrande. C'est-à-dire qu'il s'est excusé par le fait de ne rien posséder à donner en offrande. Il n'a pas dit: non, je ne donnerai rien en offrande pour votre statue, ceci est du polythéisme, ceci est interdit. Mais il a dit: je n'ai rien à donner en offrande. C'est-à-dire que si j'avais quelque chose, je l'aurais fait. Mais je n'ai rien à donner en offrande, je ne peux rien donner. Ils lui ont alors dit: donne en offrande ne serait-ce qu'une mouche. C'est-à-dire sacrifie ne serait-ce qu'une mouche pour notre statue. Il a alors sacrifié cette mouche et ils lui ont laissé passer son chemin. Ils l'ont autorisé à passer étant donné qu'il avait donné cette mouche en offrande pour leur statue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ensuite: il entra alors en enfer. Pourquoi il entra en enfer? En raison de cet acte de polythéisme majeur. Car il a sacrifié cette mouche pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. On voit donc que quelle que soit la chose qui est sacrifiée pour autre qu'Allah, aussi insignifiante soit-elle, ceci est un péché très grave. Et ce qui est pris en compte, c'est ce qu'il y a dans le cœur de la personne, son intention. Le fait qu'elle cherche, par cet acte, à se rapprocher d'autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Même si la chose qu'elle sacrifie est insignifiante et sans valeur. Le fait que par cet acte, elle cherche à se rapprocher d'autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, elle a alors commis du polythéisme majeur et sort, en raison de cela, de la religion de l'islam. On demande à Allah, subhanahu wa ta'ala, de nous en préserver. Ils dirent ensuite au second: présente quelque chose en offrande. Il dit alors: je ne présenterai rien en offrande pour autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il a donc refusé et a condamné le polythéisme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ensuite: ils ont alors frappé son cou, c'est-à-dire qu'ils l'ont tué, et il est entré au paradis. Pourquoi il est entré au paradis? En raison de son tawhid. Du fait qu'il a refusé de se soumettre à cette demande, et qu'il a voué son culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, il a condamné le polythéisme. Donc ce hadith, il nous prouve l'interdiction du sacrifice pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que celui qui sacrifie une chose, quelle qu'elle soit, pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, alors il a commis du polythéisme. Regardez cet homme, il est entré au feu à cause du sacrifice d'une mouche. Donc on voit que même si la chose qui est sacrifiée est insignifiante et sans valeur, cela ne change rien à la gravité de ce péché, qui fait sortir la personne de la religion de l'islam. Quant au deuxième homme, il savait la gravité du polythéisme. Il savait la gravité du shirk. Alors il s'en a écarté. Et il a refusé même de sacrifier qu'une mouche. Il a dit: je ne sacrifierai rien pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, car tout mon sacrifice, comme on l'a vu dans le verset, il est pour Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur de l'univers, à lui nul associé. Et on voit à travers ce hadith que ce qui est pris en compte, c'est les œuvres du cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur comme intention? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur comme croyance? Regardez cet homme, il n'a sacrifié qu'une mouche. Mais du fait qu'il l'a sacrifié pour se rapprocher d'autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, alors il est entré en enfer. Et on voit également dans ce hadith que cet homme, il était croyant. Et que la cause de son entrée en enfer, c'est ce sacrifice de cette mouche pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Car s'il était mécréant, qu'il n'était pas croyant, il serait entré en enfer même s'il n'avait pas sacrifié cette mouche. Or le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'il est entré en enfer en raison du sacrifice de cette mouche. Ceci nous indique donc qu'il était croyant et qu'il est sorti de l'islam en raison de cet acte. Ceci nous prouve donc la gravité du polythéisme majeur et la gravité du sacrifice pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que dire de ceux qui sacrifient des poules, des moutons, des vaches, des chameaux devant les tombes et les mausolées pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala? Que dire de ceux qui sacrifient pour les djinns et les démons? Que dire de ceux qui sacrifient pour les sorciers et les charlatans? Il n'y a pas de doute que ceci est d'autant plus grave et que cela fait partie du polythéisme majeur dont l'auteur sort de la religion de l'islam. Il ne sera pas pardonné et il sera éternellement en enfer s'il meurt sur cela sans s'en repentir. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Donc on a terminé avec ce chapitre et on a vu en résumé, dans les deux versets que l'auteur rahimahullah ta'ala a cités, l'obligation que le sacrifice ne soit voué qu'à Allah subhanahu wa ta'ala au même titre que la prière. Car le sacrifice est une adoration. Il doit donc être voué exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le premier hadith, on a vu l'interdiction de sacrifier pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que celui qui sacrifie pour autre qu'Allah, alors il est maudit. Il est privé, éloigné de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans le deuxième hadith, on a vu que celui qui sacrifie pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, aussi insignifiante soit la chose qu'il sacrifie, à partir du moment où son intention est de se rapprocher de cette chose, alors celui-ci a commis du polythéisme majeur, il sort de la religion de l'islam et il sera éternellement au feu de l'enfer s'il meurt sur cela, sans s'en repentir. Et avant de terminer, j'aimerais vous dire brièvement les différentes catégories du sacrifice. Le sacrifice, d'un point de vue général, il se divise en deux catégories. Le sacrifice usuel et le sacrifice cultuel. Le sacrifice usuel, c'est celui que tu vas faire, par exemple, afin de pouvoir manger de la viande. Ou alors, afin de commercer avec cette viande. Par exemple, une personne va sacrifier un mouton afin de le manger et d'en nourrir sa famille. Ou alors, le boucher va sacrifier un mouton, une vache, afin d'en vendre sa viande. Ceux-ci font partie des sacrifices usuels qui sont permis. Et il n'y a pas de gêne en cela tant que l'on fait au nom d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et la personne peut même être récompensée en fonction de son intention pour cela. Le deuxième type de sacrifice, c'est le sacrifice cultuel. Celui qui est fait en guise d'adoration. Et celui-là, il se divise en trois sous-catégories. La première, c'est le sacrifice cultuel légiféré. Et c'est celui qui est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le sacrifice de l'Aïd, le sacrifice de l'offrande lors du pèlerinage, l'Aqiqa, après la naissance d'un enfant. Et également entre dans cela le sacrifice pour honorer un hôte, le sacrifice pour la walima lors d'un mariage, et ainsi de suite. Tous ceux-ci sont des sacrifices qui sont faits pour Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont des sacrifices cultuels, qui sont des adorations, et qui sont légiférés. Le deuxième type, c'est le sacrifice cultuel et innové, qui relève de l'innovation. C'est un sacrifice qui est fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui est fait auprès d'une tombe, en pensant que le fait de sacrifier pour Allah auprès de la tombe de ce wali, auprès du mausolée, ou dans un endroit particulier, a plus de mérite. Donc celui-ci, il ne vise pas par son sacrifice de se rapprocher du mort ou de se rapprocher du mausolée. Mais il cherche à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour preuve, il va prendre cette viande et il va la donner en aumône pour Allah subhanahu wa ta'ala. Toutefois, il est venu volontairement dans cet endroit en pensant qu'il y avait plus de mérite à sacrifier pour Allah subhanahu wa ta'ala dans cet endroit. Alors ceci est une innovation qui mène au polythéisme. Et ceci est interdit. Enfin, le troisième type de sacrifice cultuel, c'est le sacrifice cultuel shirki, qui relève du polythéisme, et c'est le fait de sacrifier pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, par vénération et dans le but de se rapprocher de cette chose pour laquelle on sacrifie. Comme ceux qui sacrifient pour les tombes, afin de se rapprocher des morts, comme ceux qui sacrifient pour les djinns, afin de se préserver de leur mal, comme ceux qui sacrifient pour les sorciers, et ainsi de suite, parmi les choses que l'on a mentionnées durant ce cours. Ceci sont donc les différentes catégories du sacrifice qu'il faut retenir afin de ne pas confondre entre ces différents types. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala. On verra dans le cours de demain le prochain chapitre qui est lié à celui-ci et qui concerne l'interdiction de sacrifier pour Allah subhanahu wa ta'ala dans un endroit où on sacrifie pour autre que lui. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala